Que deviendrons-nous après notre mort? Que deviendront nos restes mortels? On peut répondre à cette angoissante question en choisissant de se faire incinérer. Ainsi réduit à un petit tas de cendres, nous échapperons aux horreurs de la putréfaction. À moins que, comme certains êtres privilégiés, on ne bénéficie d'une grâce exceptionnelle. Le bon père est mort, le bon père est mort! La nouvelle se répand dans Anaya, ce petit village du Liban, comme une traînée de poudre, selon l'expression consacrée. Quel est ce bon père? Simplement Youssel Maklouf, prêtre maronite, connu en religion sous le nom de père Charbel. Alors, le bon père Charbel est mort. Quelle tristesse! Quel âge avait-il? 78 ans. Faut pas espérer de miracle. Dieu l'aura certainement accueilli dans son paradis. Et s'il a choisi de le rappeler dans la nuit de Noël, c'est un signe. Sans doute. Et même avec beaucoup plus d'honneur que les autres, si l'on en croit la suite de cette histoire, qui n'est qu'une longue liste de témoignages apportés par une foule de témoins. Le père Charbel a depuis longtemps choisi de vivre solitaire, de se consacrer à la prière dans un petit ermitage éloigné du village. Autour de lui, la montagne et les cèdres du Liban dont les ancêtres servirent, dit-on, à construire la charpente du temple de Salomon. Le supérieur de la communauté donne les ordres qui s'imposent. Nous allons déposer la dépouille mortelle de notre cher père Charbel dans le tombeau de la communauté, juste à côté de l'église. C'est ce qui est fait. Le tombeau est une pièce en contrebas de la chaussée. Les moines ont soigneusement rassemblé sur un côté les crânes et autres ossements, qui sont les derniers restes des moines morts avant le père Charbel. On pose le corps de celui-ci sur une sorte de marche, puis on referme la tombe et on obture l'entrée avec une grosse pierre que l'on recouvre de terre. Il ne reste plus qu'à le laisser en paix dans ce pourrissoir, jusqu'à ce que la nature l'ait réduit à l'état de squelette. Dans les jours qui suivent, le préfet de la région, Cheikh Mahmoud Emadé, se voit contraint de réunir quelques hommes. Nous devons faire une expédition du côté de la montagne et du monastère de Saint-Marion à Anaya. J'ai reçu des renseignements selon lesquels la troupe de bandits qui ont dévalisé plusieurs voitures s'est réfugiée dans le secteur. Nous opérerons cette nuit, de manière à les surprendre. Personne n'aurait dans l'idée de discuter les ordres du cheikh Mahmoud Emadé. Les hommes qui vont faire partie de l'expédition punitive se préparent, en espérant que tout se passera bien. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent sur leurs chevaux, aux abords du monastère de Saint-Marion, progressant en silence pour surprendre les bandits qui pourraient traîner dans le secteur. Chef, chef, vous voyez cette lumière? Oui. Ça vient du monastère? Je ne savais pas qu'ils avaient fait installer l'électricité. Mais non, ils s'éclairent toujours à la chandelle et avec des lampes à gaz. Mon cousin travaille pour eux. Il m'aurait certainement informé si les bons moines s'étaient équipés. La petite troupe s'avance, contourne le monastère et se retrouve près de l'église. Le mur oriental du monastère est éclairé comme en plein jour. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? On dirait qu'elle vient d'en face. C'est quoi cette espèce de petit bâtiment? C'est le tombeau, où l'on dépose les moines après leur mort. Et c'est ça qui éclaire tout. Il faut demander au supérieur du monastère si par hasard les brigands n'auraient pas trouvé refuge dans le tombeau. Le supérieur des Maronites, le père Antoine El Michmichani, ne dissimule pas son étonnement devant cette histoire de croque-mitaine lumineux. Vous dites que vous avez vu la lumière provenant du tombeau? Mais impossible! Tenez! Venez d'ailleurs le constater vous-même. Après qu'on ait procédé à une fouille complète du monastère pour vérifier qu'aucun brigand ne s'y dissimule, le père supérieur et le capitaine qui commande la troupe des militaires se retrouvent devant le tombeau. Pas la moindre lumière. Le père supérieur s'éclaire d'une lampe et fait constater que l'entrée de la tombe est hermétiquement close par cette grande pierre recouverte de terre. Vous voyez, tout est exactement comme nous l'avons laissé après l'ensevelissement du père Charbel. Et c'était quand ? Ben, il y a 2 mois, vous constaterez que rien n'a été remué. Dans les jours qui suivent, le père Elmish Michani a l'occasion de constater l'existence de cette mystérieuse lumière qui émane du tombeau. Mes frères, nous allons rouvrir la tombe et examiner si par hasard quelque chose d'insolite ou même de diabolique ne se situerait pas dans l'enceinte même de notre monastère. La pluie tombe à grosses gouttes. Une fois la tombe ouverte, on constate que les pluies qui se sont abattues récemment sur la région ont semé un beau désordre dans le caveau. Mais c'est rempli de boue. Et tenez, le corps du père Charbel flotte sur cette boue et l'eau continue de tomber depuis la voûte. Le corps du père est couvert de moisissures. Il faudra l'en débarrasser. C'est ce que font les frères maronites avec respect. Mais une surprise les attend. Mais regardez le père. On dirait qu'on vient de l'enterrer. Son corps est aussi souple et lisse que le jour de sa mort. Mais pourtant, cela fait 3 mois et demi que nous l'avons enterré. Normalement, il aurait dû commencer à se putréfier. Mais regardez ses bras, ses jambes sont toujours aussi souples. Et ses cheveux, sa barbe, pas le moindre signe de décomposition, mais c'est un miracle. Oh, mon fils, mesurez vos paroles, hein. Attendons un peu avant de parler de miracle. Regardez mon père, on dirait que du sang coule du côté droit du père, comme de celui de notre Seigneur Jésus quand il est mort sur la croix. Du coup, les bons pères tombent à genoux dans la boue pour une prière fervente et un remerciement. Remerciement pourquoi, ils ne le savent pas encore. Le père Elmish Michani décide de ne pas refermer la tombe aux vertus étranges. Chaque jour, il vient constater l'état de la dépouille mortelle du père Charbel. Toujours la même fraîcheur, toujours la même souplesse et toujours ce suintement sanguinolent. Il faut avertir notre évêque. Le suintement sanguinolent devient si abondant qu'il faut changer les vêtements du père Charbel 3 fois par jour. Mais que signifie cet étrange suintement inexplicable? Un jour, le père Elmish Michani décide de prendre une mesure logique. Il demande l'aide d'un embaumeur. Et celui-ci, non sans une certaine appréhension, porte un coup de bistouri impie dans le corps que toute la région considère désormais comme sacré. Il informe le père supérieur du résultat de son travail. J'ai prélevé tous les organes internes du père. Mais le suintement continue. Bon, nous allons procéder autrement. Je vais faire déposer le corps du père sur la terrasse du couvent. Quelques mois au soleil vont sans doute le momifier. Et je doute qu'il reste assez de liquide dans son pauvre corps pour alimenter le moindre suintement. Mais toutes ces manipulations restent sans effet. En 1921, soit 23 ans après sa mort, le père Charbel continue à fournir aux fidèles croyants la même quantité de sueur sanguinolente. Les médecins qui l'examinent encore constatent qu'il semble transpirer comme tout un chacun. En 1927, on décide de donner le repos à la sainte dépouille. Nous allons l'installer dans un cercueil de bois recouvert de zinc. À ses côtés, nous déposerons un cylindre de zinc dans lequel sera glissé un rapport de tous les faits constatés. C'est le professeur Jouffroy de la faculté de médecine de Beyrouth qui rédigera ce document. Ensuite, les frères vont creuser une excavation dans le mur de la crypte et le cercueil y sera déposé, isolé du sol par 2 pierres. Nous l'inclinerons au cas où la sueur sanglante continuerait à se manifester. Et nous refermerons cette nouvelle tombe hermétiquement. Ces instructions sont suivies à la lettre. Le mur qui bouche la tombe fait 1,50 m d'épaisseur. Désormais, nul n'est plus admis à s'émerveiller devant la sainte sueur. Jusqu'en 1950. Comme d'habitude, un groupe de pèlerins se presse devant le mur, derrière lequel le père Charbel repose depuis 23 ans. Regardez. On dirait que du liquide suinte du mur. On appelle en hâte le supérieur du couvent. Le père Elmish Michani a depuis longtemps rejoint l'âme du père Charbel, aujourd'hui le supérieur et le père Younes, qui arrivent en courant. On dirait un liquide rosé. J'espère qu'à l'intérieur le cercueil est encore en bon état. Nous allons ouvrir la tombe pour constater ce qu'il en est. À l'intérieur, on constate des faits troublants. 53 ans après la mort du père Charbel, son cercueil continue à laisser sourde un liquide qui ressemble à du sang. On ouvre ce cercueil et on note l'état des lieux. La sueur continue à couler, les vêtements du père sont en partie pourris. Le fond du cercueil de bois est lui aussi pourri. Le cercueil de zinc est en partie fendu. Tous les vêtements sont imbibés de cette sueur qui a un aspect séreux. Cette sueur s'est solidifiée sur différentes parties du corps. Le corps du père est toujours aussi souple. On met le Saint-Père, comment l'appeler autrement, dans un nouveau cercueil. 2 ans plus tard, sous la pression de la ferveur populaire, on le ramène à la lumière pour une exposition publique pendant 18 jours. De nouveaux médecins examinent la dépouille incorruptible et y perdent leur latin. Dans leur rapport, ils avouent avoir constaté là un phénomène inexplicable et, disons-le, miraculeux. Certains fabriquent des médailles, d'autres se livrent à des calculs. En supposant que les dépouilles du père Charbel ne produisent qu'un seul gramme de sueur par jour, en comptant le nombre de jours depuis sa mort, etc., etc., etc. Bref, ils arrivent à calculer que le père Charbel aurait au minimum produit près de 20 kilos de sueur depuis sa mort. Or, il doit exsuder bien plus d'un gramme de sueur sainte. D'où provient cette centaine de kilos de matière séreuse ? Sueur sainte, on arrive au point crucial de l'histoire. Voici qu'une malheureuse Libanaise, torturée par des convulsions et des pertes de connaissance, tombe dans le coma. Quand elle reprend connaissance, elle dit avoir vu le père Charbel qui lui recommande, si elle est croyante, de se frotter la nuque avec l'huile qui va suinter d'une des médailles fabriquées par les marchands du temple. La malheureuse, condamnée par les médecins, obéit et elle guérit. La médaille miraculeuse, désormais, ne cesse de produire une huile que les Libanaises disputent. Après 50 ans d'examen et de procès, le père Charbel devient, en octobre 1977, le premier saint libanais, celui qui a prédit au siècle dernier que les prières de ses fils sauveront le Liban, qui sera progressivement libéré des invasions étrangères.